jeudi à Assemblage Requis. Stéphanie Gagné nous surprendra toujours avec ses coups de cœur dans sa chronique Ton plat favori. Et Mathieu Sétonge et Luc Archambault nous prendront toujours par les émotions avec une toute nouvelle capsule de Vie dans la question. Tout ça et vous, on l'espère, à Assemblage Requis, jeudi 15h.